Chapitre 1er. Chicaneder travaillait à sa pièce avec enthousiasme, distribuant les scènes, les morceaux, combinant les situations et, au besoin, pour aller plus vite, donnant à écrire le dialogue au souffleur de son théâtre. Acteur lui-même assez goûté du public, possédant, à défaut de voix, un certain accent bouffe, il voulait être de la fête et se ménageait, con amore, le rôle de Papageno, espèce de jeune faune engagée à la suite d'un prince aventureux. Du reste, le plus clair de l'invention du librettiste en cette affaire fut de vêtir d'un costume de plume d'oiseau le fameux Kasperl de la farce viennoise, une manière de Pierrot naïf, gourmand et libertin. Pour ce personnage, destiné à compléter par le côté physique, sensuel, la nature idéale du demi-dieu Tamino, Schikaneder, qui se mêlait de tout, même de musique en présence de Mozart, se composa sur ses propres vers plusieurs mélodies « At usum Delphini » et Mozart, de ses embryons, fit des merveilles. On était au printemps. Mozart, pour jouir de la belle nature et se soustraire aux tribulations d'un intérieur travaillé par la gêne, vint chercher un refuge chez son collaborateur. C'est dans le pavillon d'un jardin attenant à la maison où logeait Schikaneder, aux environs de son théâtre, que l'immortel chef-d'œuvre vit le jour. Gai compagnon et buveur éprouvé, l'hôte anacréontique du grand musicien organisa son programme de manière qu'aux heures de composition succédassent les plaisirs. Il y a un temps pour tout dans une existence bien ordonnée, et quand on avait satisfait aux droits souverains de la muse, Vénus et Liaeus pouvaient venir. Les plus jolies filles de la troupe accouraient la nuit au rendez-vous. On fêtait la beauté et les vieux vins du Rhin et de Hongrie. Boire, manger, rire, chanter, faire l'amour, c'était l'histoire de tout Viennois à cette époque. Qu'on se figure un paganisme aimable, bon enfant, un naturalisme candidement éhonté, pratiquant ses petits dévergondages sans avoir l'air de s'en douter, et par la naïveté de son impudence déconcertante au rigorisme. Le péché avant la découverte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Papageno, Papagena, deux types des mœurs viennoises du bon vieux temps. En ce sens, la flûte enchantée abonde en énigmes qui deviennent les choses les plus claires du monde pour peu qu'on se représente ce passé. J'ai parlé des deux rôles comiques, mais les autres, Tamino, Pamina, Sarastro, tous ces prêtres d'Isis et d'Osiris, par leur dogmatisme plein d'épouvante sacrée, leurs épreuves terribles, qui n'excluent ni la tolérance philosophique, ni les doux préceptes d'une morale factice et toute humaine, ne sont-ils pas aussi des Viennois? Comme toutes les natures nerveuses, Mozart avait besoin de distraction. Resté seul après son travail, la mélancolie l'envahissait. Il lui fallait voir du monde, s'oublier. De tels hommes, de tels génies, ne sauraient être jugés selon les lois ordinaires. Voici par exemple une œuvre sublime, idéale, marquée en quelques-unes de ses parties d'un caractère presque divin, et cette merveille a été conçue, écrite au milieu des plaisirs, des bombances. Fiesole allait à ses pinceaux, à sa palette, comme il aurait pris une harpe pour chanter un psaume. Mais Fra Angelico était un Italien du XVe siècle, et Mozart, enfant de Salzbourg, vivait à Vienne en 1791. Et ni ses appétits sensuels, ni ses égarements ne l'ont empêché d'être, lui aussi, le frère des anges. Combien de motifs, cette fois, pour expliquer la contradiction, l'excuser? Sait-on ce qu'un artiste moderne dépense de force physique dans sa composition? Qui dit poète, musicien, ne dit pas seulement philosophe? Autre chose est de vivre comme un Kant, un Maine de Biran, à l'état raisonnant, spéculatif. Autre chose est de vivre à l'état sensitif, de créer. Les forces physiques, j'en demande bien pardon aux purs esprits, veulent être réparées. Il faut que dans les intervalles du travail, la machine se ravitaille, et souvent l'action de ces moyens de renouvellement sur un organisme dont tous les ressorts sont en mouvement ne s'exerce elle-même que pour provoquer à d'autres dépenses. Mozart mangeait beaucoup, buvait plus qu'il ne convient, un homme raisonnable, et quant aux femmes, il ne se lassait pas de les aimer tout à la fois comme son Don Juan. le goût, je l'ai dit, lui en était venu tard. Son premier attachement, très profond, très honnête, le sauvegarda jusqu'à 26 ans contre les désordres des sens. On connaît l'histoire. Aloysia Weber était la fille d'un pauvre copiste du théâtre de Mannheim. Elle avait 15 ans, de la beauté, des charmes, une voix de sirène. Mozart venait de quitter son archevêque de Salzbourg en 1777 et, cherchant un emploi, parcourait l'Allemagne avec sa mère. À Munich, l'électeur l'avait conduit dans les meilleurs termes. « Je ne dis pas non, ne refuse rien, mais c'est trop tôt. Qu'il voyage en Italie, devienne célèbre, et alors on verra. » À la cour de Mannheim, même au bénite, on raffolait de son talent, de son jeu, on s'intéressait grandement à sa personne, mais ce beau zèle n'allait point jusqu'à faire qu'on lui donnât la moindre place dans l'orchestre, ou mieux encore qu'on le chargeât du soin d'écrire un opéra, ce qu'il ambitionnait par-dessus tout. En attendant, la gêne continuait, et le père, resté à Salzbourg, après tant de pérégrinations inutiles, de démarches avortées, si jamais cet enfant prodige finirait par devenir un homme capable de gagner sa vie. Hélas, l'excellent père, de quel surcroît de préoccupations n'était-il pas menacé? Mozart, pour ses travaux, fréquentait la maison du copiste de Mannheim. Il vit Aloysia, s'en éprit. Bientôt, les deux jeunes gens s'aimèrent de toute la force de deux cœurs qui battent pour la première fois. Mozart avait 20 ans. Les lettres qu'il écrit à son père sur ce sujet sont bien ce qu'on peut lire de plus charmant. Il s'efforce de ne rien trahir du secret de son amour, affecte de ne parler que de la belle voix de la jeune fille, de l'état précaire des parents et de l'indispensable utilité de sa présence parmi eux, donnant à entendre qu'un voyage en Italie avec cette famille Weber serait peut-être ce qu'il y aurait de plus profitable, tant pour le perfectionnement de son propre génie que pour les avantages d'argent qu'il ne manquerait pas d'en résulter grâce au concert. Il jase, raisonne, argumente, et dans la course vagabonde où sa plume s'abandonne, n'a pas l'air de se douter que sous chacune de ses réticences, un aveu timide se dérobe. Le père, lui, ne s'y trompe point. Discrètement, il écarte les feuilles, voit le serpent, souffle dessus froidement et, sans le tuer, le conjure. Critiquer le voyage en Italie, appuyé sur l'objection d'un ton doux et ferme, mais qui n'admet pas de réplique, fut l'habile manœuvre du moment. Le fils voulut répondre. On resta sourd. Il fallut comprendre à demi-mot, obéir. Les amoureux se séparèrent après 1000 serments échangés. Mozart aimait. L'imagination, les sens, n'étaient point seuls en jeu chez le jeune artiste. Son cœur, plein de tendresse, de foi profonde, avait tressailli. Aloysia, de son côté, versa bien des larmes, mais sa peine, quoique sincère, dura moins. L'année ne s'était pas écoulée que Mozart, la retrouvant à Munich, s'apercevait d'une complète évolution. « Fragilité, ton nom est femme, » a dit le poète. La fragilité, ce jour-là, s'appelait Aloysia. Ils se revirent à Vienne. La jeune fille, dans l'intervalle, s'était mariée avec un comédien nommé Lange et déjà perçait son talent avec sa réputation de cantatrice. Mozart, attiré par les souvenirs de Mannheim, hantait la maison. Qui cherchait-il? Son pauvre cœur, dont l'aînée des deux filles n'avait point voulu et que l'autre, la cadette, guettait pour le saisir au passage. Cette sœur cadette, bonne, fidèle, dévouée, fut sa Constance, celle pour laquelle il écrivit, dans l'enlèvement, le fameux air de Belmonte, tout palpitant de ses ardeurs récentes. « C'est l'air favori de tous ceux qui l'entendent, » mande-t-il à son père en oubliant, avec l'adorable candeur du jeune âge, qu'il reprend au sujet de sa nouvelle maîtresse, la litanie chantée jadis à propos d'Aloysia. On y saisit le tendre émoi, les irrésolutions, et jusqu'au moindre battement d'un cœur sensible, jusqu'à la plénitude du bonheur, exprimé par un crescendo, jusqu'au soupir, au doux aveu, dont les violons en sourdine et la flûte rendent le bruit et le mystère. Le père, à son tour, reprit le vieux thème d'opposition. Épouser la fille d'un copiste, c'est déchoir. Et puis, quel avenir? Point d'argent, nulle chance d'en gagner. La perspective, en effet, n'était pas brillante. Ils se marièrent nonobstant et se mirent en ménage avec 50 florins de dette. Pauvre Constance, c'est elle qu'il faut plaindre, admirer, elle, la compagne des mauvais jours, la confidente de tant de défaillances, de misères, l'honnête, simple, courageuse gardienne de ce foyer domestique tracassé, bouleversé. Ce que c'était que la modération, Mozart ne le sut jamais. Âpre au plaisir comme au travail, il passait sa vie hors de chez lui, hantant les tripots et les salles de billard, courant les tavernes, les bals publics, déguisé en Pierrot, et donnant à la composition les restes d'une nuit de Freuden. Entre les dépenses qui devaient résulter d'une pareille conduite et le revenu de la maison, il n'y avait aucune espèce de balance. L'argent qu'il retirait du théâtre, des concerts, les sommes que ses éditeurs lui fournissaient, et jusqu'à sa pension de l'empereur, tout y passait. La pauvre Constance avait beau redoubler d'économies, elle n'arrivait pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. Et plût à Dieu qu'elle n'eût pas eu, l'infortunée, d'autres sujets de peine. Constance était la fille d'un musicien, elle avait du sang d'artiste dans les veines et savait d'instinct comment on s'y prend pour s'arranger de la misère. Mais comme si ce n'était point assez du manque d'argent, la malheureuse avait encore à faire face au découragement de son mari. Lorsque celui-ci, en proie à ces mornes et terribles réactions qu'amènent les lendemains d'ivresse, passait ensuite des jours entiers à gronder, à se plaindre, sombre, atterré, querelleur, et n'interrompant sa taquinerie que pour se renfrogner comme un hibou dans un coin. Alors se montrait le courage, le dévouement de cette aimable femme. À force de petits soins, de bonne humeur, elle le ramenait, gagnait un jour ou deux pendant lesquels son cher libertin se reprenait à la vie de famille. L'heure venue, Constance mettait la nappe, on soupait ensemble à tête à tête, et Wolfgang, émerveillé de la bonne chère qu'on faisait chez lui, hélas, pauvre grand homme, il ignorait à quel prix, et que sa femme avait dans la matinée engagé son dernier bijou. Wolfgang jurait ses grands dieux de rompre à tout jamais avec cette vie de désordre, serment de joueur et de buveur oublié le lendemain. Il l'aimait pourtant, lui, et se serait fait tuer pour elle. Et malgré cela, combien de torts, de félonies, de vilaines escapades. On voudrait n'avoir à parler que de ces élans du cœur, de ces aspirations que la fièvre du génie rend excusables. Mais nous n'en sommes plus aux Béatrice, aux Léonore. Avec Aloïsia, l'idéal avait jeté sa flamme, et ce qui restait en lui du feu divin, il le gardait pour ses chefs-d'œuvre. L'amour des sens passionnait seul, en dehors de la composition, cette nature dévorée et dévorante. Raphaël, disait l'abbé d'Aponte, l'ange Raphaël, mort jadis à 37 ans, revit aujourd'hui parmi nous et s'appelle Mozart. Qui n'a présent devant les yeux le portrait de la Fornarina, image splendide et fatale d'un modèle également marqué du double signe de la beauté et de la fatalité. Rarement on a peint quelque chose d'aussi merveilleux que ce bras mollement arrondi sur la poitrine. Et ses yeux, vit-on jamais rien de plus voluptueusement ombré, de plus doux, de plus charnellement diabolique? Sirène, femme, ondine, on sent que c'est la perdition. Maintenant, de cette Fornarina, rapproché par la pensée ce portrait de la galerie Borghese, où le jeune Raphaël s'est représenté lui-même, le regard embrasé de flammes sombres, la lèvre humide, émue comme pour appeler la jouissance. « Pauvre enfant, vous écriez-vous. » Qui, tandis qu'il éclaire le monde, bat soi-même se consumant. Elle, cependant, éclate de santé, d'embonpoint. Lui n'est que pâleur, désir, souffrance. Vous diriez une substance éthérée, une âme reproduite par la magie du pinceau le plus fin, le plus délicat. Elle, c'est le corps, c'est la forme, dans sa triomphante harmonie, la contadine superbe, impassible, fatale, qui se laisse aimer comme elle se laisse peindre parce qu'elle est belle. Ainsi, je me représente le mélancolique, l'ardent et mystique Mozart, jeté par son libertinage en proie à toutes ses sirènes, moitié allemande et moitié slave du gouffre viennois. Mystique et libertin, âme croyante, esprit sceptique et sens débauché, l'exemple s'est vu trop souvent pour qu'on s'en émerveille. Et si j'aborde franchement chez Mozart ce chapitre des humaines inconséquences, ce n'est point que je veuille me donner le triste plaisir de montrer dans un homme un tel génie les misères qui dégradent notre espèce, mais bien plutôt pour tâcher d'excuser l'immortel artiste à l'endroit de ses travers, qui furent surtout de son temps et de son pays, car si nous admettons que certaines conditions historiques et climatériques agirent beaucoup sur son génie, pourquoi nous refuserions-nous à reconnaître la part que ces mêmes conditions peuvent avoir eue dans sa conduite ?